force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. N'aie pas peur de la nouvelle que tu viens de recevoir. Ne sois pas troublé. Que cela ne t'empêche pas à venir à spécial OSP Jéricho. Je vais te dire, tous les problèmes, les combats que tu vis dans ta famille là, oui, le Seigneur va les écrouler. Le Seigneur va faire tomber ton Jéricho. L'ennemi va te distraire. Prends courage. Tiens ferme jusqu'à la fin. Nous sommes à notre troisième jour de jeûne spécial OSP Jéricho. Réveille-toi. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari, nous allons prier. Le thème de ce mardi 3 mai 2016, c'est renverser les forteresses. Le texte de base, c'est 2 Corinthiens 10, 1 à 3 et Romains chapitre 12, 1 à 2. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie, avec OSP. Lisons d'abord 2 Corinthiens 10, 1 à 3. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous pouvons même ajouter un autre passage, Proverbe 23, verset 7. Ce passage dit ceci, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Renverser les forteresses. Vous savez, notre vie est le résultat de notre manière de penser. Notre mental influence nos actions et nos réactions. Nous ne pouvons pas connaître une transformation réelle. Nous ne pouvons pas vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, si nous ne changeons pas de mentalité. Il y a des pensées qui sont comme des forteresses. Lorsqu'on parle de combat spirituel, là, il y a des gens qui voient toujours des mots. Mais c'est souvent au niveau des pensées. Quand le diable veut te bloquer là, il va installer dans tes pensées c'est une manière de faire des mentalités qui vont te bloquer. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux que ton Jéricho tombe là, il y a des pensées, des mentalités qui se sont enracinées en toi, qui deviennent comme des forteresses. Vous savez, une forteresse, c'est quoi? Une forteresse, c'est une maison où les gens se cachent. Donc, parfois, il y a des forteresses en nous, des pensées derrière lesquels se parlent, se cachent les échecs, les blocages, c'est à cause de nos pensées. La pauvreté que tu vis là, le blocage que tu vis là, le combat se situe au niveau de tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les combats, les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de faire quoi? De renverser des forteresses. Pendant cette semaine de jeûne, il y a des forteresses, des pensées qui doivent être renversées dans ta vie. Vous voyez, nous avons vu dans Proverbe 23, verset 7, il dit, il est tel que sont les pensées de son âme. C'est-à-dire, ta vie va ressembler à ta manière de penser. Si dans ta vie, tu penses toujours que tu es le dernier, que tu ne peux jamais prospérer, tu seras toujours le dernier. Si dans ta vie, tu penses toujours que si tu construis une maison, les gens vont te bouffer les sorciers, tu es bloqué dans tes pensées-là, tu seras toujours bloqué dans tes pensées. Nous allons voir certaines mentalités que nous devons renverser. Aujourd'hui, nous allons voir deux grandes mentalités qui nous bloquent, qui sont comme des forteresses. Première mentalité, c'est ce que nous appelons la mentalité des petits-enfants. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Vous voyez, Paul utilise trois verbes ici qui caractérisent la vie d'un enfant. Parler, penser et raisonner. En utilisant les deux verbes penser et raisonner, il met l'accent sur la mentalité de l'enfant qui influence le reste de son comportement. L'une des choses qui caractérise les enfants, c'est quoi? C'est l'esprit de dépendance. L'enfant dépend toujours de ses parents. Il faut que les parents puissent les laver, puissent l'habiller, tout. Il doit dépendre de ses enfants. Il doit dépendre toujours de ses parents parce qu'il est encore bébé. Lorsque tu es encore bébé spirituel, tu ne grandis pas là. Tu ne fais que dépendre toujours les autres. Tu ne peux pas grandir. Il faut que tu abandonnes ces mentalités de dépendance. Tu ne peux même pas prier, faire toi-même une petite prière là. Tu considères les pasteurs comme un féticheur. Tu vois cafard au niveau de ton lit, de ta chambre, tu as peur. Alors que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont voir les pasteurs, les prophètes, ils les considèrent comme un féticheur. Toi-même là, quand est-ce que tu vas grandir? Tu dis que tu t'es converti, ça fait 5 ans. Mais il n'y a pas réellement de changement. Combien de passages bibliques que tu connais par cœur? Tu vas toujours pour qu'on t'impose les mains. Pour chaque chose là, tu vas, tu donnes l'argent par-ci, par-là. Lorsqu'on dit qu'il y a bouteille par-ci, par-là, pour avoir, je ne sais pas, la bénédiction, il y a quelque chose qui se vend ici, qui se vend là-bas. Tu cours derrière, tu as fini ton argent en train d'acheter bouteille, en train d'acheter huile. Parce que tu ne grandis pas. Tu n'as pas besoin d'acheter bouteille, d'acheter huile quelque part. Tu as le nom de Jésus-Christ. Tu as la parole de Dieu. La mentalité des petits-enfants qui dépendent toujours des autres, dépendent toujours du prophète, dépendent toujours du pasteur, ne grandit pas. Dans Hébreux 5, verset 12, il est dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Les petits-enfants, ce sont les gens qui ne grandissent pas. Ils vont dans des programmes, sillonnent toutes les églises, y compris les sectes, pour rechercher la délivrance, la guérison, les miracles. Ils courent après les prophéties, les visions, pour connaître quel sorcier de la famille est à la base de leur blocage et de leur malheur. Mon ami, tant que tu vas faire ces choses-là, tu ne vas pas grandir. Il faut que tu renverses cette mentalité-là, pour que tu te dises que Jésus-Christ est en toi. Le problème que tu vis là, même toi-même dans la prière, le Seigneur est capable de débloquer cette situation. Nous devons ressembler aux Juifs de Bérée. Dans Actes 17, verset 11, on dit que ces gens, ils examinaient les Écritures chaque jour pour vérifier si ce que Paul disait était exact. Deuxième mentalité que nous devons renverser, ce sont des pensées négatives dues aux échecs et déceptions de sa vie passée. Lorsque tu as connu des déceptions, tu as connu des échecs, peut-être que tu as perdu un être cher, mais tu ne dois pas toujours penser à ces échecs-là. Les choses qui se sont passées il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu penses toujours que ça va t'arriver. Et tu as peur, tu es bloqué. Tu dis, j'ai peur que ça ne m'arrive encore. J'ai accouché par césarienne et j'ai peur que ça m'arrive encore. Vraiment, ça me fait peur. Quand je me rends compte vraiment de comment on m'a chassé au niveau du travail, quand je me rappelle de comment mon mari m'a abandonné, ma fiancée m'a abandonné, vraiment, ça me décourage. Je ne peux plus me marier. Tu vois, ce sont ces pensées-là qui te bloquent. Lamentation 3, 19 à 23 dit ceci. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, tu vois. Jérémie dit, quand je pense à ma misère, quand tu ne fais penser qu'à ta misère, oh ma famille, vraiment, j'ai des problèmes, il y a trop de sorciers, pourquoi ça m'arrive? Quand tu ne fais que penser à tes échecs, à tes déceptions, tu te sens abattu. Il faut renverser ces pensées-là, il faut renverser ces raisonnements parce que ça t'empêche d'aller de l'avant. Et dire comme Jérémie, voici ce que je vais maintenant repasser. Il faut de nouvelles pensées qui disent, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Malgré les échecs que j'ai connus là-bas, le Seigneur est capable de transformer mes échecs en succès au nom de Jésus-Christ. Cesse toujours de penser la vieille à ton mari qui est mort, ça fait plus de 10 ans. Cesse toujours de penser à la manière dont tu as perdu ton commerce, ton argent. Le Seigneur est capable de te relever. Tu sais, quand Jérémie disait ces choses-là, ils avaient connu la déportation en captivité pendant 70 ans. Le Seigneur a permis cela. C'est pour corriger son peuple. Mais tu ne dois pas toujours penser aux choses négatives. Beaucoup de grands personnages de la Bible ont connu aussi des hauts et des bas. Moïse a été rejeté par ses compatriotes. Il est parti faire 40 ans chez les Madianites. Et c'est là que le Seigneur va le rencontrer. Sur le mont Horeb. Et quand Dieu va l'envoyer pour dire, va vers ce peuple. Il était tellement hanté par les échecs du passé, au point de dire, il ne faut pas m'écouter. Tu vois? Gédéon, quand Dieu lui disait, va avec la force que tu as, tu es un vaillant héros. Il commençait à dire, si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Je vais dire à quelqu'un, pourquoi tu aimes toujours te poser des questions sur ce qui s'est passé en 2010, en 2011, en 2005? Ce sont des forteresses, des pensées négatives qui créent en toi le découragement, l'abattement, qui t'empêchent d'avancer. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Cesse de penser aux échecs du passé. Regarde vers l'avenir et dis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pierre a connu l'échec. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais Jésus lui a dit, avance en pleine eau et jette les filets. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il transforme nos pensées et qu'il nous aide à renverser toutes ces pensées négatives, les pensées d'abattement, les pensées d'échec. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Payé pour ma guérison. au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Jésus, tu es mon papa. Alléluia, bénissons l'Éternel, bénissons son Saint-Nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes dans notre semaine spéciale de jeûne et de prière OSB Jéricho 2016. Et nous sommes à notre troisième jour, dont le thème c'est « Renverser les forteresses ». Nous venons de voir qu'il y a des pensées qui bloquent notre vie. Ce sont des forteresses. Et nous devons renverser la mentalité des petits enfants qui nous empêche de grandir dans la foi, qui fait que nous soyons toujours dépendants des pasteurs, de voir des pasteurs comme des marabouts. Nous allons prier pour que réellement le Seigneur nous libère de ces mentalités, de petits enfants, de peur de sorciers, de peur de cafards, que Dieu nous aide. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Éternel des armées, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Père, c'est un privilège pour nous, en cette semaine de jeûne, pour renverser les forteresses, de nous tourner vers toi et demander ton intervention divine. Nous prions, ô Père éternel, pour tes fils et tes filles qui ont reçu ton fils Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont encore la mentalité des petits-enfants, qui ont encore peur des sorciers, qui ont peur des cafards. Nous prions dans le nom de Jésus et nous prenons autorité sur cette mentalité de petits-enfants. Nous renversons les forteresses. Nous prenons autorité sur toute forme de dépendance dans le nom de Jésus-Christ. Car toi, tu nous as donné la force, tu nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Et ta parole est une épée à double tranchant. Nous prions dans le nom de Jésus et nous déclarons l'équipement de tes fils et de tes filles afin qu'ils puissent s'élever contre les forces des ténèbres, contre les plan diabolique, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tes fils et tes filles soient équipés pour le combat spirituel, équipés par ta parole, équipés pendant l'adoration, équipés pendant le jeûne et la prière, que toute activité spirituelle les renforce afin qu'ils soient affranchis de toute forme de dépendance spirituelle. Merci Père éternel, parce que la maturité spirituelle de tes saints est renforcée tout au long de cette semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi qu'il y a des pensées négatives, des échecs du passé. Nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui ont connu des échecs et des déceptions. Peut-être que toi-même tu as connu des échecs, des déceptions, au point où tu dis tu ne peux plus rien faire dans la vie. Tu as échoué dans les affaires et tu ne veux plus échouer. Lorsqu'on te propose une affaire, tu laisses. Nous allons prier pour que ces pensées qui nous bloquent là, ces échecs, ces déceptions qui bloquent nos pensées, soient renversées, que nos pensées soient renouvelées au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tu es le Dieu vivant, Alléluia. Le Dieu véritable, Alléluia. Le Dieu trois fois merci, saint, merci. Le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui dit et la chose arrive. Amen. Nous croyons en toi. Oui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi tu nous dis dans Ésaïe 43 à partir du verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Et des fleuves dans la solitude. Seigneur, nous croyons à ta parole. Que les échecs du passé soient derrière nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons en toi. Toutes choses concourent au bien de ceux que tu aimes. Nous croyons que nous allons réussir. Parce que nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés, notre Dieu, pour avancer dans la victoire avec toi. Que la force nous soit donnée. Que le succès nous soit accordé. Que la victoire soit notre partage. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié parce que tu nous accompagnes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des pensées de découragement, qui ont perdu des êtres chers. Ils ont perdu un parent, un enfant, un mari ou quelqu'un d'autre. Et même la nuit, lorsqu'ils dorment, ils rêvent toujours ces personnes-là. Ils sont toujours abattus. Ils portent un vêtement de deuil. Oh, pendant ce temps de jeûne, le Seigneur veut déchirer ces vêtements de deuil. Que ces pensées-là, ces forteresses soient renversées. Tu vas prier le Seigneur qui te délivre de ces choses au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, tu es Dieu. Notre âme se confie en toi. C'est toi qui est notre appui, notre rocher, notre bannière. Le salut est en toi. Et nous sommes heureux parce que nous t'appartenons. Nous sommes des fils du royaume. Tes promesses sont oui et amen. Et aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, parce que nous avons perdu un ami, une connaissance, un parent bien-aimé. Nous avons perdu de l'argent. Nous avons perdu, oui, des affaires. Nous avons, Seigneur notre Dieu, un cœur serré. Les pensées bizarres, nous n'arrivons plus à nous retrouver. Nos pensées sont dispersées, nous sommes devenus faibles. Nous ne pouvons plus, oui, te prier, nous engager ce matin. Que toutes ces forteresses soient annulées, que toutes ces pensées bizarres soient déchirées, que toute cette couverture diabolique, ces influences négatives de ces pensées soient vaincues par le sang de Jésus-Christ. Père, merci que ce filet de l'oiseleur soit déchiré afin que chacun de nous avance vers sa destinée prophétique dans ce temps de jeûne et prière. Donne-nous, Saint-Esprit, de comprendre notre mission sur cette terre, de savoir que tu nous aimes, de savoir que tes promesses sont oui et amen et qu'avec toi, nous ferons des exploits, de comprendre que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Leur visage est rayonnant de joie et ils vont, ils volent, ils progressent, ils marchent comme des géants bénis, des hommes qui vivent dans l'affranchissement, dans la liberté. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre dans notre vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous continuons notre semaine de jeûne et de prière. Voici les références supplémentaires à lire. 1 Corinthiens 3, 1 à 9, Hébreux 5, 11 à 14, Philippiens 4, 8, Luc 5, 1 à 9. Achetez votre livret pour avoir tous les commentaires possibles. Nous rappelons que préparez-vous tous pour le grand rassemblement ce samedi 7 mai où nous allons clôturer notre jeûne spécial OSP Jéricho à l'église d'Assemblée de Dieu d'Adjamé à partir des 9h. Bonheur conjugal pour les célibataires se tiendra ce dimanche à partir des 16h. Thème, la persévérance qui nous conduit jusqu'à la victoire. Deux services, 16h et 18h. C'était OSP, au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.